Armand Sylvestre, histoire belle et honnête, lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Bonne action châtiée. Chapitre 1. Il était d'un beau vert clair avec des reflets bleus autour du bec et de petites plumes rouges qui lui bordaient les ailes. Aussi érudit qu'agréable à voir, il causait de toutes choses comme un avocat ou un député, sans y entendre d'ailleurs davantage. Comme les faiseurs d'économie politique, il répétait toujours les mêmes mots, sans les avoir jamais définis. Et tout le monde l'aimait. C'était, pour me résumer, un perroquet qui avait eu grand tort de ne pas naître homme, car il eût été appelé aux plus hautes destinées de notre espèce. Beau garçon d'oiseau avec cela, aimant le vin à défaut des filles, car la barbarie de mes pareils l'avait fait célibataire. Notre vieil ami, l'amiral Lequelpu du Bec, l'avait autrefois rapporté à une certaine demoiselle de Vaudoré, dont les aïeux avaient peut-être été aux croisades, mais comme concierge, une belle créature, ma foi, et qui était bien bonne de se flanquer de la noblesse avec une chute de rein qui pouvait si bien s'en passer. Car où allons-nous si les charmes personnels d'une femme ne suffisent plus à la motiver dans la ville? Ce verbe charmant est de Théophile Gautier. Si jamais on rétablit la royauté en ma faveur, ce que je souhaite à mon pays, savez-vous comment je choisirais une souveraine à mon peuple? Eh bien, je louerais au musée de Cluny le trône de Louis le Gros et j'y ferais asseoir toutes les vilaines de mes états, jusqu'à ce que l'une d'elles en fasse éclater les deux bras. À celle-là, le titre glorieux de belle fessière ire, gérante en cas de mon décès. Revenons à la damoiselle de Vaudoré. Elle nomma son perroquet Gontran, et le bourra de sucreries et de caresses, jusqu'à ce qu'elle fût obligée de le laisser en gage chez une dame Minaret, à laquelle elle avait complètement omis de payer son loyer. L'abus des nourritures succulentes avait donné au malheureux oiseau un commencement de diabète, une calvitie de la moitié du corps, ce qui en faisait, au demeurant, une assez vilaine bête. Sic transit Gloria Mundi. Chapitre 2. La dame Minaret n'était pas une méchante personne. Elle était même de la Société protectrice des animaux et ne manquait jamais d'invectiver les cochers de fiacre qui battaient leurs chevaux, à moins qu'elle ne fût elle-même dans la voiture parce qu'elle aimait à être rondement menée. Elle n'étrangla pas Gontran, comme l'eussent fait beaucoup de mauvais maîtres, mais à cause de sa laideur, elle le relégua dans l'endroit le plus fâcheux de son appartement, j'entends, dans celui où l'on a coutume d'aller seul jouer le dernier acte de la digestion, lequel est un monologue très antérieur à ceux de Coquelin-Cadet. Madame Minaret tenant une table d'hôte, le dit lieu était extrêmement fréquenté, et là, le malheureux oiseau dut, comme Monsieur Purgon, perdre l'habitude de parler à des visages. Il fit contre mauvaise fortune bon cœur, bien que visiblement humilié par cet exil. Recroquevillé dans ce qui lui restait de menu duvet, il médita sur la grandeur et la décadence des destinées. De prolixe qu'il était comme un politicien, il devint muet comme un radis. Mais qu'il l'eût regardé de près et observé avec finesse, n'eût pas été dupe de son recueillement, lequel était celui des gens qui étudient. Parfois, son gosier semblait frémir sur des gammes intérieures qui ne sortaient pas. Timeo Viruminius Libri a dit aux mains d'Aca dans un latin de restaurateur. Moi, je crains l'homme qui n'a pas de livre du tout et qui pense. La force en ce bas monde est en silencieux. Seul, en effet, il ne révèle pas à leurs contemporains l'abîme de sottise qui est au fond de toute âme humaine. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi des perroquets? Donc Gontran ne disait rien, mais il n'en était que plus redoutable à l'avenir. Chapitre 3. Si vous aviez vu ce jour-là Eva, vous en seriez devenu amoureux fou. Qui Eva ? Mais mademoiselle Eva des Palombes, la future du gracieux Maurice des Ormeaux, capitaine au 3e hussard, un homme exquis et des plus nobles façons. Elle était à son bras pour la première fois, et tous deux, avec l'autorisation des parents, abandonnés l'un à l'autre pour quelques heures, cherchaient un nid à leurs légitimes amours. J'entends un appartement pour s'y installer tout de suite après la noce. C'est joli tout de même à regarder une vierge pour de bon, dans l'éclat de sa chasteté pleine de désirs, toute rayonnante de l'inconnu qui l'attente, et comme attirée vers les fleurs d'un abîme. Telle elle marchait dans la clarté de sa joie et la lumière de son amour, penchée pudiquement sur le cavalier qui avait pris la forme de son rêve. Et lui, son air était triomphant, d'une insolence douce. Un écriteau les fit entrer chez madame Minaret. Ils y trouvèrent précisément ce qu'ils cherchaient, un logement au 3e en plein soleil, avec un balcon pour mettre des fleurs, celui-là même dont la mademoiselle de Vaudoré avait précieusement omis de payer les termes. Comme on achevait de conclure la location, le hasard fit qu'on sortit l'infortuné Gontran de sa détestable retraite pour nettoyer sa cage. À peine la sensible Eva l'eut-elle vue, qu'elle se prit pour l'oiseau délaissé, d'une tendresse et d'une pitié sans pareille. « Oh, la pauvre bête !» fit-elle, « comme elle est déplumée. Ne pourrait-on lui mettre de la ouate sur les ailes ?»« Voilà un gaillard dont je voudrais bien me débarrasser, » répondit philosophiquement madame Minaret. « Oh, mon Maurice, achetons-le, » reprit la charmante créature. « Nous ferons une bonne action. Cet animal a l'air si malheureux ici. Nous le soignerons par l'hydrothérapie qui a si bien rétabli votre oncle. » Et comme Maurice ne semblait pas autrement enthousiaste à cette question, elle se pencha à son oreille, de si près que son souffle était une caresse. « Ce sera pour attendre notre premier enfant, » murmura-t-elle tout bas. Maurice ne résista pas davantage, et il fut convenu que l'on retrouverait Gontran installé dans une cage neuve, le soir où l'on viendrait reposer, pour la première fois, sous ce toit élevé à la dignité de conjugal. C'est ainsi qu'il était écrit que Gontran ne quitterait pas la maison. Chapitre 4. Si j'étais un de ces narrateurs impudiques qui ne perdent pas l'occasion d'entrouvrir les rideaux du lit de leur prochain et même d'en soulever la couverture, j'aurais belle à vous conter comment la délicieuse Eva des Palombes perdit en une nuit le fruit de 18 ans de vertu et la glorieuse façon dont le capitaine lui enseigna pour jamais le mépris de la sagesse. C'est dans le programme, et il n'est pas de fille sensée qui, après cette première leçon, n'ait envie de s'écrier « Mon Dieu, que j'ai été bête !» J'entends, de fille ayant pris au sérieux ses fonctions antérieures de demoiselle. Car j'en sais qu'il n'irait pour rien au monde à cette première, sans avoir répété généralement et même plusieurs fois, et même répété de nombreux accords. Mais je vous dis qu'Eva était une vierge pour de bon. Et quelle vierge ! Blanche comme un lys, blonde comme un rayon de soleil, avec des chairs fouettées de roses tendres, comme certaines variétés de tulipes. Ah, capitaine, cherchez un autre pour vous plaindre. L'aurore vint trop tôt pour dénouer de ses doigts de rose la couronne de leur volupté. Attrape, Parny. Eva sortit du lit la première, et toute honteuse dans sa grande chemise déchirée, se réfugia dans le cabinet de toilette, qui n'était séparé de sa chambre que par une portière. Maurice, à son tour, se leva et ouvrit tout grand les rideaux à une vraie fusée de soleil. Soudain, noyé de cette lumière joyeuse et reconnaissant l'appartement où il avait été jadis si heureux, Gontran, dont on avait apporté la cage dans la chambre, suivant les conventions que j'ai dites, eut un éblouissement. Sa langue, si longtemps muette, se délia soudain, et il se mit à clamer son bonheur avec un vacarme épouvantable. Ce fut alors qu'on put voir qu'il n'avait pas perdu son temps dans le silence du cabinet. L'expression est consacrée et ne fut jamais plus juste. Car avec une fidélité admirable, mais en enflant considérablement leur intensité, il se mit à reproduire tumultueusement tous les bruits qu'il avait entendus dans le buen retiro de madame Minaret, Ce fut un déchaînement d'ouragan, une colère d'éole, sans cause égaux pour la calmer, une musique endiablée de vent saluant les libertés. Une tempête, non pas dans un crâne, mais ailleurs. On dut l'entendre jusqu'à Soissons, dont les habitants frémirent d'aise, étant connaisseurs de ce genre d'orchestration. Cependant, la pauvre Eva, derrière sa portière, entendait ce charivari et, croyant son mari seul dans la chambre, conçut une indignation si grande contre ce procédé indélicat qu'elle s'enfuit par une porte dérobée, s'habilla à la hâte chez Madame Minaret et courut se jeter en pleurant dans les bras de sa mère, lui jurant qu'elle ne resterait pas une heure de plus avec un homme si mal élevé. Tout s'expliqua par la suite. L'infâme Gontran fut vendu à un marchand d'oiseaux et fait, à la devanture de sa boutique, la joie des petits polissons. Eva et Maurice n'ont plus d'ailleurs besoin de lui. Depuis 3 jours, ils ont un fils qui s'appelle Pancras, comme l'oncle hydrothérapeuteux.